La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là pour le premier épisode d'une série consacrée au poète portugais Fernando Pessoa. Une émission que vous propose aujourd'hui Laurence Millet, Laurence Genepin, Laurent Travagli-Chanal, Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault et Élise Leu. Il est avec Camões, son prédécesseur de 4 siècles, le grand poète du Portugal et de Lisbonne en particulier. Lisbonne où l'on rencontre partout son effigie, sur les murs du métro comme dans les boutiques de souvenirs et bien sûr derrière les vitrines des librairies. Alors que pourtant, il est mort seul et quasiment inconnu, l'âme brisée comme un vase vide, tombée des mains d'une servante inattentive, pour paraphraser le vers de l'un de ses hétéronymes, Álvaro do Campos. C'est donc ce poète que nous évoquons jusqu'à jeudi. Jeudi, où nous recevrons Teresa Rita Lopez pour parler de la nouvelle édition du livre de l'intranquillité de Pessoa, qu'elle a rebaptisé Livre de l'inquiétude. La veille mercredi, nous parlerons du rapport de Pessoa avec son pays et ses mythes, puis de ses liens avec sa ville de Lisbonne, qui est pour lui une muse par de nombreux aspects. Enfin demain, une émission sur l'œuvre et sur les hétéronymes multiples qu'il s'était inventés, chacun possédant une personnalité et une biographie propre. Alberto Cairo, Ricardo Reich, Álvaro do Campos, pour reprendre les noms les plus connus. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour un panorama de la vie de Fernando Pessoa, nous sommes en duplex avec Patrick Quillier, professeur de littérature comparée à l'Université de Nice. Il a publié une anthologie essentielle de Pessoa aux éditions Chandaigne en 2017. Et il a dirigé, traduit et commenté la pléiade de ses œuvres poétiques qui a paru en 2001 chez Gallimard, avec une préface du regretté Robert Bresson. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. Si, lorsque je serai mort, on veut écrire ma biographie, il n'y a rien de plus simple. Elle n'a que 2 dates, celle de ma naissance et celle de ma mort. Entre une chose et l'autre, tous les jours sont à moi. Et ces 2 dates de naissance et de mort dont il est question dans Le Gardeur de Troupeau, elles sont pour Pessoa 1885. Ouh là là, c'est compliqué aujourd'hui. Bonjour Patrick Quillier. Bonjour. Pessoa en avait conscience. Raconter sa vie, c'est en effet raconter une vie moins riche en événements qu'en œuvres. Que pouvez-vous nous dire justement sur ces 2 dates qui sont 2 jalons entre lesquels il ne se passerait finalement rien d'autre que l'écriture d'une grande œuvre, Patrick Quillier? Eh bien, écoutez, pour paraphraser Alberto Cairo, dont vous avez cité les vers, qu'est-ce que ça veut dire « tous les jours sont à moi » ? Tous les jours sont à moi, ça veut dire que Pessoa, très tôt, a souhaité se consacrer, on va faire vite, à sa mission d'écrivain. Quand je dis très tôt, ça veut dire que c'est quelques années après sa naissance, qui a eu lieu en 1888, voilà, lorsqu'il a perdu son père. Et à ce moment-là, il a donc ressenti la nécessité d'inventer en lui quelqu'un qui pourrait s'entretenir avec lui, peut-être remplacer le père d'une certaine manière, mais en réalité qui pourrait donner de la substance à sa propre vie. Et je crois que c'est à ce moment-là que s'engage effectivement toute cette existence tout entière dédiée à la cause littéraire. Alors, il a une image qui vient d'ailleurs en partie de celle qu'a donnée de lui son premier biographe, João Gaspar Simoes. Il avait proposé une image de poète maudit pour Pessoa. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est un poète maudit? Pas vraiment. pas vraiment, parce que en réalité, ça infléchit un petit peu ce que vous avez dit tout à l'heure. On a souvent l'idée qu'à sa mort en 1935, il est parfaitement inconnu. Alors, il est inconnu dans le monde entier, ça certainement, mais au Portugal, pas du tout. Sa mort fait l'objet de au moins une à deux colonnes à la une des principaux quotidiens. Il n'a écrit qu'un seul ouvrage, il n'a publié qu'un seul livre. Alors, il a publié un seul ouvrage, mais il a participé dans les années 10 à un mouvement futuriste qui a été au Portugal l'un des plus vivaces d'Europe. Et il est parfaitement connu de l'intelligentsia portugaise. Il est lu dans des revues, parce qu'il a publié presque 300 pages de poèmes dans des revues. En effet, c'est un peu un paradoxe. Il y a un seul livre achevé et publié peu de temps avant sa mort, mais il a occupé à la fois par ses propres œuvres signées par lui-même et par celles signées par ses hétéronymes, toute la vie littéraire du Portugal, grosso modo, des années 10 à sa mort. Quoi. Mais est-ce que vous diriez qu'il était aussi connu du public des lecteurs portugais, ou est-ce qu'il s'agissait vraiment de l'intelligentsia de Lisbonne ? Alors ça, c'est un peu difficile à évaluer quelle était l'audience auprès du grand public. Je crois que son engagement au moment du futurisme avec des amis peintres et des amis écrivains est tel que ce sont des gens qui ont créé des scandales. Alors le scandale, ça marque les imaginations. Et je pense que très régulièrement, on rendait compte dans la presse de voilà. Alors, bien sûr, on ne peut pas comparer ça avec le lectorat qu'il a aujourd'hui au Portugal, où il est enseigné dès le secondaire, et dans le monde. Alors, son premier livre s'appelle donc « Message ». Il a été publié en 1934, c'est donc juste un an avant sa mort. Mais il a laissé des milliers de pages, à la fois de vers et de prose, dans une fameuse malle dont on va sans doute beaucoup parler cette semaine. Patrick Quillier, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors, puisque vous avez mentionné ce livre qui s'appelle « Message », je voudrais dire qu'il fait éruption dans la République des lettres portugaises dans les années 10 avec deux articles théoriques sur l'évolution de la poésie portugaise des dernières décennies, et où il prophétise l'apparition de ce qu'il appelait un super ou un supra Camões. Et évidemment, on s'accorde aujourd'hui à dire qu'il prophétise en quelque sorte sa propre carrière et l'impact qu'il aura. Donc il se compare, il compare la postérité qu'il compte avoir avec celle de Camões. Absolument, voilà. Et d'ailleurs, il est, par rapport à Camões, dans une situation, vous savez, que on peut appeler une anxiété de paternité, c'est-à-dire qu'il en parle très peu, alors que, évidemment, il n'a cessé de se confronter à Camões pour pouvoir être ce fameux super Camões. Bon, voilà, ça je voulais le rappeler au début. Votre question portait sur... L'idée qu'au fond, il avait peu publié de son vivant, mais qu'en revanche, il avait beaucoup écrit, et que ses œuvres, on les avait retrouvées comme ça, presque en vrac, si l'on peut dire. Alors, il les avait soigneusement glissées dans des enveloppes spécifiques, parce qu'il a passé toute sa vie, en réalité, à imaginer des dispositifs de publication qui rendraient compte de cette complexité très originale des hétéronymes. Je pense qu'on en parlera un peu plus tard. Bien sûr. Et bien évidemment, à sa mort, la famille a laissé un certain nombre d'amis, notamment son premier biographe dont vous avez parlé tout à l'heure, venir consulter. Et du coup, il y a eu un certain désordre qui s'est installé dans cette fameuse malle. Ce désordre a encore été accru lorsque la famille a décidé de céder tous ces documents à l'État portugais pour qu'on puisse les archiver à la Bibliothèque nationale. Où elle se trouve parce encore. Parce que ça a encore été classé de manière très particulière. Alors voilà, il y a toute une, comment dirais-je, toute une histoire de, je dirais, de odyssée post-mortem de tous ces papiers. Mmh. On parlait de Camões à l'instant, on va revenir bien sûr à la biographie, mais puisque vous évoquez cet autre grand poète, qu'est-ce qui vous semble correspondre, qu'est-ce qui vous semble chez Pessoa découler directement de la poésie de Camões? Alors écoutez, puisque vous avez parlé du dernier livre, Message, c'est l'occasion d'en parler, parce que évidemment, Camões, qui est aussi un poète lyrique, est surtout connu pour être l'auteur des Lusiades, qui sont effectivement une des grandes épopées de l'Europe, et plus particulièrement, en l'occurrence, des grandes découvertes portugaises. Mm-hmm. Donc, Message se présente effectivement en apparence comme un poème épique. Alors, un poème épique sous forme de poème court, généralement, qui passe en revue l'histoire portugaise, et puis qui met en scène une généalogie des influences. Et il y a donc deux auteurs de l'histoire portugaise, qui sont l'équivalent un peu de Nostradamus, c'est-à-dire le savetier Bandara, et puis l'équivalent un peu, on va dire, de Bossuet, c'est-à-dire un religieux qui s'appelle le père Antonio Vieira, qui sont promus, chacun avec un poème, comme étant les précurseurs, au fond, d'un troisième auteur, qui, dans le texte, est anonyme, qui, évidemment, fait référence à l'auteur de Message. Donc, Camões, c'est une présence-absence, si vous voulez, dans ce livre. Voilà. Alors, reprenons sa biographie au début, et faisons-le avec cette archive de Robert Bréchon. Je ne me souviens pas de ma mère. J'avais 1 an lorsqu'elle est morte. Tout ce qu'il y a de dur et d'éparpillé dans ma sensibilité vient de cette absence de chaleur et du regret inutile des baisers dont je n'ai pas le souvenir. Je suis quelqu'un de postiche. Je me suis toujours éveillé contre des poitrines étrangères, bercé là comme par erreur. Alors voilà un petit Pessoa. Un petit Soares, qui se ressemble donne un peu au petit Proust. C'est ce que j'allais vous dire, oui. Et on se dit, quand il parle de sa mère morte, on pense, je pense, à l'essai pas fameux de Freud, où Freud, c'est vers 1921, je crois, identifiait pratiquement le deuil et la mélancolie. La mélancolie au sens classique, c'est-à-dire considérée comme une maladie. Alors, tout ça est très beau, mais nous savons, vous et moi, que si Pessoa était bien un orphelin, il n'était pas un orphelin de mère, il était un orphelin de père. C'est son père qu'il a perdu à 5 ans, et il a pu, bon, il aimait son père, mais il a pu croire que sa mère, qu'il adorait, resterait pour lui, à lui, seul pour la vie. Or, cette mère, alors cette fois non plus comme la mère de Proust, mais comme celle de Baudelaire, a épousé un autre homme, elle s'est remariée. Et même si Pessoa a vécu avec elle, d'abord en Afrique du Sud, et puis beaucoup plus tard, quand devenue veuve, elle est rentrée au Portugal, à Lisbonne, ils ont vécu ensemble dans la même maison, qui est actuellement la Casa Fernando Pessoa, où on entretient sa mémoire. Malgré tout, jusqu'au bout, il a considéré qu'il l'avait perdu d'une certaine manière. Et dans ce texte, au fond, il la tue symboliquement. La compagnie des auteurs sur France Culture et Robert Bréchon évoquant au micro de Raphaël Enthoven le grand traumatisme d'enfance de Pessoa, qui est donc, Patrick Quillier, le fait d'être orphelin de père, mais pas seulement ça, c'est aussi le déracinement du départ pour l'Afrique du Sud. Et oui, je pense que ce que vient de dire Robert Bresson, et je suis assez ému parce que le timbre de la voix m'est toujours familier, et puis la finesse des analyses de Robert en général fait mouche. Il a tout à fait raison, me semble-t-il, de montrer que très tôt, Pessoa s'est senti dépossédé de quelque chose. S'est senti vidé, comme un récipient, tout d'un coup, se met à ne plus rien contenir. Mm-hmm. Et on pourrait penser que cette entreprise que vous évoquiez tout à l'heure, de se consacrer entièrement à une œuvre, consistait à déjouer ce vide, à déjouer cet exil permanent. Il y a une série de poèmes qu'il signe de son nom qui s'appelle « Le double exil ». C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait l'expérience, à travers certainement la mort du père, et puis, comme le disait Robert, avec le fait que la mère, évidemment, va mener sa vie et que cette vie semble l'exclure, lui, eh bien, c'est une ouverture à une espèce d'exil permanent, un exil redoublé, mm-hmm. qui est présent et qui va entraîner Pessoa à adopter une stratégie d'écriture permettant de déjouer cette situation existentielle. Et alors, que sait-on, Patrick Quillier, sur ces années tout de même à Durban? On a tendance à dire qu'elles sont peu importantes, que seule Lisbonne compte, mais qu'est-ce qu'on sait sur sa vie là-bas? Alors, elles sont fondamentales. Elles sont fondamentales parce que le jeune Pessoa est scolarisé dans un établissement victorien où il fait merveille, c'est-à-dire qu'il emporte même un prix de rédaction. Donc, tout en anglais, bien sûr. Oui, voilà. Qu'il est excellent en français, qu'il lit énormément, et ça on le sait parce que il consigne ses lectures dans des carnets qui étaient dans la fameuse malle. Et donc, par exemple, à un moment donné, il écrit « J'ai commencé la lecture de La guerre des dieux » de Parny. Et puis trois jours après, j'ai fini la lecture de La guerre des dieux de Parny. Mmh. Voilà, donc c'est des lectures improbables, puisque Parny, cet auteur d'origine réunionnaise, de la fin du XVIIIe, du début du XIXe siècle, évidemment apparaît dans les ouvrages d'histoire littéraire en France, mais il est peu lu. Robert Bresson disait de Pessoa à 15 ans qu'il était aussi intelligent qu'avait pu l'être en leur temps Pascal ou Mozart, par exemple. Alors, je pense que oui, et que cette intelligence, elle est évidemment totalement nourrie par des lectures qui sont très intenses et très diversifiées, et par déjà des projets d'écriture, puisqu'on a aussi des feuillets qui datent de cette adolescence sud-africaine. Donc, je crois que ce temps de formation sud-africain est fondamental. Fondamental parce qu'en plus, il y a eu quelques allers-retours entre Lisbonne et l'Afrique du Sud. L'un d'entre eux, d'ailleurs, avec à bord, entre l'Afrique du Sud et Lisbonne, le cercueil d'une jeune sœur de Pessoa qui était décédée et qu'on rapatriait. Bon, voilà. Donc, il y a des expériences fondamentales qui touchent à vif la sensibilité de Pessoa et qui, évidemment, vont produire de la matière à réflexion, laquelle matière suscite, excite et fait se développer son intelligence. Alors c'est à 17 ans qu'il revient à Lisbonne pour s'inscrire à l'université. Est-ce que ce retour a été un choc ou est-ce que, du fait des allers-retours que vous venez de mentionner, il s'est toujours trouvé, d'une certaine manière, rattaché à la mère patrie? Écoutez, si on replace cela dans ce que nous disions tout à l'heure à propos de l'exil, ça me paraît justement être un peu plus complexe. C'est-à-dire qu'effectivement, il a des difficultés à se retrouver à sa place à Lisbonne. Et d'ailleurs, Il ne rêve que d'une chose à ce moment-là, c'est de devenir un écrivain de langue anglaise. Il va, dans les années qui suivent, intensifier son écriture en langue anglaise. Il va envoyer des textes à publication en Angleterre. La publication lui sera refusée. Il va se publier à compte d'auteur pour un certain nombre de textes écrits en anglais. Bon, donc, vous voyez, il est toujours là où... il voudrait être, et là où il est à la fois présent et absent d'une certaine manière. Il est présent, absent, mais il est aussi absent aux autres, car il vit déjà, et ce sera le cas à peu près toute sa vie, dans une assez grande solitude. Je vous propose, avant qu'on parle de ce thème, d'écouter l'écrivain et traducteur de Pessoa, Antonio Tabucchi, sur cette question donc de la solitude. Sa solitude frôle la métaphysique, c'est une solitude ontologique, mais absolument métaphysique. Il se sent seul à ce monde, et en plus, il donne l'existence à des personnages qui, curieusement, sont tout seuls comme lui, le maître. À tous les personnages, c'est Alberto Caeiro qui vit tout seul avec une vieille tante dans une modeste maison de la campagne portugaise. Alvaro de Campos aussi, c'est un dandy solitaire et blasé qui vit à Lisbonne. Ricardo Reis, c'est un homme qui a choisi l'exil au Brésil et qui vit en solitude. Et finalement, Bernardo Soares, qui écrit le livre de l'intranquillité, c'est un modeste employé de bureau qui vit dans une mansarde tout seul. Donc voilà, la contradiction, l'oxymore de Soares, c'est de donner au monde une foule de gens, une malle pleine de gens, mais une malle pleine de solitude aussi. Antonio Tabucchi, interrogé par Alain Weinstein. Alors la solitude, Patrick Quillier, c'est aussi la muse de Pessoa. Alors certainement, puisque le cher Antonio Tabucchi parlait à l'instant d'un oxymore propre à Pessoa, hein, d'une contradiction, c'est une solitude qui n'avait pas non plus une dimension, je dirais, totalement absolue. C'est-à-dire que il était tout à fait inclus, comme je le disais tout à l'heure, dans les débats intellectuels, voire politiques de son temps. Et on sait qu'il sortait au café aussi les jours pour rencontrer un certain nombre de personnes. Exactement. Donc c'est la solitude intérieure. C'est la solitude de ce vide dont je parlais tout à l'heure et dont Antonio Tabucchi vient de parler avec infiniment de justesse. Et bien entendu, au fond, il y a deux dimensions, quoi. Il y a cette chose existentielle ou métaphysique dont parlait Antonio tout à l'heure, hein, je crois qu'il dit solitude métaphysique. Oui. Et puis il y a la personne qui, au quotidien, partage un certain nombre de débats, de combats parfois aussi, avec ses contemporains. Mais ça donne ce personnage un peu insaisissable d'un jeune homme, malgré ce que vous dites, tout de même solitaire, dont les 20 ans ne sont pas forcément le plus bel âge de la vie, et qui a chez lui à la fois un côté un peu immature et un côté déjà très âgé. C'est comme si Pessoa n'avait jamais été un homme fait, comme s'il avait passé cette étape. C'est assez juste ce que vous dites, et c'est justement ce fait d'être immature en même temps que très âgé, le dispositif des deux pôles qui le mettent en tension toute sa vie, hein, et qui vont faire par exemple que ses relations avec les femmes en particulier seront tellement problématiques. Mmh. Il a écrit « J'ai traversé la vie comme le fantôme de ma propre vie, frère jumeau de la négation de moi-même ». Exactement. Je crois qu'il y a une grande lucidité dans une formule pareille, en effet. Alors, il faut quand même parler d'une amitié qui est une amitié fondamentale, qui date de cette période de sa vie, de sa jeunesse, c'est celle avec Mario de Sá Carneiro, poète mort jeune, qui vivait en grande partie à Paris. Quelle a été leur relation et en quoi est-ce important d'en parler aujourd'hui, Patrick Quillier ? Oui, c'est fondamental. En effet, je crois que on ne peut pas faire l'impasse de cette relation, qui était une relation d'admiration réciproque, pour commencer. Sá Carneiro était un écrivain né, c'est-à-dire les poèmes jaillissaient avec une génialité quasi immédiate. Pessoa était un travailleur, et donc leur pratique de l'écriture était très différente. Et forcément, cette différence les a fait se considérer comme des frères complémentaires très tôt. Et ensuite, ils ont été, avec quelques autres, mais essentiellement tous les deux, la cheville ouvrière des grandes aventures futuristes, hein. En particulier autour d'une revue dont ils étaient les animateurs et qui était en grande partie financée par le père de Sá Carneiro qui avait de l'argent, à savoir la revue Orfeo. Et évidemment, le suicide de Sá Carneiro à Paris a laissé Pessoa en quelque sorte veuf, une fois de plus, si vous voulez. Il y a des textes dans lequel il évoque son ami disparu, qui sont effectivement extrêmement puissants pour faire état de ce traumatisme très fort qu'il a ressenti alors. Et c'est un traumatisme qui entraîne une fuite en avant dans le travail, jusqu'à cette parenthèse tout de même de la rencontre en 1920 d'une certaine Ophélia, une femme, une seule, avec qui il va vivre un amour avant tout épistolaire et sans doute chaste, comme nous l'explique en archive, et puis je vous ferai réagir ensuite, Patrick Quillier, le metteur en scène Claude Régis. Son œuvre a pris la place de sa vie. Il le dit très précisément de l'écriture, et c'est très important de le savoir quand on travaille ses textes. Il dit qu'il n'a eu aucune vie sexuelle, que ça ne l'intéresse pas, que pour lui, la sexualité est dans les mots, dans ce qu'il appelle très habilement les rythmes verbaux. Donc le verbe est surtout là envisagé du côté du rythme, donc du son et de la respiration générale du discours. Et c'est tout à fait étonnant de se dire que sa sexualité a été absorbée par sa folie d'écriture, par son besoin de s'investir totalement dans l'écriture, de ne pouvoir donner aucune autre part de lui-même, à part les traductions des lettres commerciales. Il n'a pas vécu, il n'a pas voyagé hors de Lisbonne à partir du moment où il y est retourné. Il a essayé d'avoir une imprimerie pour publier des poèmes. Ça a fait faillite à peine sorti du néant. Toute sa vie est une succession d'échecs. Alors, pas de vie sexuelle, une vie comme une succession d'échecs, dit Claude Régis. C'est votre opinion aussi, Patrick Quillier ? Alors, sur la question de l'échec, peut-être pourrons-nous tout à l'heure revenir, parce que j'aimerais un petit peu nuancer ça. En revanche, je suis tout à fait d'accord avec Claude Régis en ce qui concerne ce qu'il a dit concernant le rythme, concernant l'investissement quasi sexuel de Pessoa avec la langue et avec tout ce qui crée à travers la langue un rythme. Ça, c'est une question très importante et on pourra peut-être y revenir tout à l'heure, si vous voulez, parce que ça me paraît constitutif, précisément, de l'invention de l'hétéronymie. Bon, on va parler justement de l'hétéronymie d'ici quelques minutes. Pour terminer justement sur Ophélia, est-ce que c'est une personne finalement importante, parce qu'on a l'impression que cette femme, Ophélia, elle n'a vécu réellement que dans l'esprit de Pessoa, un petit peu comme ses hétéronymes. C'était une relation épistolaire. Il lui écrivait des lettres considérées parfois comme étant mièvres. Enfin, on n'a pas l'impression d'une vraie relation à deux en tant que telle. Non, c'est pas une relation à deux. Et puis parfois, il se voit bien sûr, mais Pessoa apparaît comme Alvaro de Campos, par exemple, quelquefois. Et alors aussitôt, Ophélia lui répond en disant « Je ne veux plus voir Monsieur de Campos. Cet homme me fait peur. » Bon, donc Pessoa joue un peu avec ça. Pessoa, d'une certaine manière, va chercher des affects plus ou moins imaginaires à partir d'une situation dont il essaie de tirer les ficelles. Évidemment, elle en a beaucoup souffert, elle, de son côté, ça c'est sûr. Patrick Quillet, vous restez avec nous, toujours en duplex de Nice, le temps de faire un tour du côté des périodiques littéraires avec En compagnie des revues. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. C'est avec vous que nous le faisons, Éric Dussert du Matricule des Anges aujourd'hui. Bonjour Éric. Bonjour Mathieu. Que trouve-t-on au sommaire du Matricule ce mois-ci ? Alors on y trouve la romancière Dominique Sigaud, qui est à l'honneur du numéro 193. Journaliste et même grand reporter pour le Nouvel Obs ou pour Libération. On dit l'Obs, hein, maintenant. Oui, pardon, pour l'Obs. Dominique Sigaud s'est tournée vers la fiction depuis son premier roman publié par Gallimard en 96, si je ne me trompe pas, L'hypothèse du désert. Elle est une fille d'une famille bourgeoise, au principe un peu étriqué, qui a trouvé dans la littérature un espace où s'exprimer, sans aucun contrôle, sans aucune censure, et avec surtout cette liberté de contester qu'elle apprécie. Elle est en effet une romancière que l'on peut qualifier de combative. Dans nos langues, sa dernière publication en date, chez Verdier, elle met en évidence le cœur de ses préoccupations, la langue et l'état du monde, deux éléments qui sont fortement liés dans son œuvre. Avec ce livre, elle évoque son rapport au langage, donc, et l'ouvrage tient tout autant du chant d'amour que d'un témoignage de reconnaissance pour son émancipation personnelle. Au-delà des guerres qu'elle a beaucoup approchées comme reporter, il y a chez elle cette conviction que toute vie est affaire de langue. Voilà, voici par exemple ce qu'elle déclare à propos de la langue de la résistance. Je la cite, « C'est une langue que, par définition, on n'entendait pas, ne voyait pas, traversant le pays dans les doublures de robes et de vestes, des vélos cageots, paniers de légumes, hors langue officielle, dès lors condamnée, traquée, essentielle, sans laquelle ce pays ne sera pas ce qu'il est. » Alors si la langue fait la vie, pour Dominique Sigaud, l'existence est un combat, une nécessaire obstination et une vigilance de chaque instant. C'est ainsi qu'elle a lutté contre la maladie. Elle a évoqué ça dans un livre plus intime qui s'appelle « Tendre rumeur » publié au Sonneur en 2015. Et en guise de conclusion, je voudrais citer encore l'avertissement qu'elle formule. « À l'heure actuelle, dit-elle, la langue humaine reste ultra majoritairement la reproduction d'un modèle pouvant conduire au génocide. » Dans nos langues, donc Dominique Sigaud, c'est aux éditions Verdier. Est-ce qu'il y a d'autres suggestions de lecture ? Je suis sûr qu'il y en a, Eric, dans ce numéro du Matricule des Anges. Éventuellement, oui, deux autres de romans. Une page dans ce Matricule des Anges, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de pages et beaucoup de romans. Mais là, cette fois, deux romans russes. Le premier est signé Yuri Bouida, le fameux auteur du célèbre Train Zéro, qui publie chez Gallimard un roman dont le titre renvoie sur son expérience, son métier d'écrivain. Et il s'intitule « Voleur, espion et assassin ». C'est très rafraîchissant. Et puis Andrei Doronin, qui publie Trans-Siberian Back to Black en 10-18. C'est une sorte de Las Vegas parano en version cyrillique, à la fois âpre, coloré, qui nous mène des sordides cuisines d'appartements collectifs pour camer à la cabane d'un chaman sibérien qui n'a plus d'âge. Là, cette fois, c'est exotique et c'est dingue. Bon, bah, si on veut en savoir plus, il faut évidemment se procurer le Matricule des Anges de ce mois-ci. Merci beaucoup, Eric. À bientôt. Merci. c'est la suite de la Compagnie des auteurs sur France Culture. Nous parlons de Fernando Pessoa avec Patrick Quillier de l'Université de Nice. Nice, d'où nous sommes en duplex avec lui. Et il est temps de s'intéresser, on l'avait promis, un peu davantage aux vies démultipliées de Pessoa et ses fameux hétéronymes. J'ai eu un jour l'idée de faire une blague à Sacarneiro, d'inventer un poète bucolique d'un genre compliqué et de le lui présenter, je ne me souviens plus comment, comme une sorte de réalité. Je mis plusieurs jours à élaborer le poète, mais ne réussis pas. Un jour où j'avais finalement renoncé, c'était le 8 mars 1914, je m'approchais d'une haute commode et, prenant une feuille de papier, je me mis à écrire, debout, comme je le fais chaque fois que je le peux. Et j'ai écrit 30 et quelques poèmes d'affilée, dans une sorte d'extase dont je ne saurais définir la nature. Ce fut le jour triomphal de ma vie, et je ne pourrais en connaître d'autres comme celui-là. Je débutais par un titre, « Au guardador de Rebambos ». Et ce qui suivit, ce fut l'apparition en moi de quelqu'un à qui j'ai tout de suite donné le nom d'Alberto Caeiro. Excusez l'absurdité de la phrase, mon maître avait surgi en moi. J'en eus immédiatement la sensation. À tel point que, une fois écrit ces 30 et quelques poèmes, je pris une autre feuille de papier et j'écrivis d'affilée également les 6 poèmes qui constituent la Tshuva Oblica de Fernando Pessoa. Immédiatement et en entier. Ce fut le retour de Fernando Pessoa, Alberto Caeiro, à Fernando Pessoa lui seul. Ou mieux, ce fut la réaction de Fernando Pessoa contre son inexistence en tant qu'Alberto Caeiro. Une lecture par Georges Claes. Tout à l'heure, vous avez dit, Patrick Quillier, qu'il fallait reparler de cette idée d'un échec de Fernando Pessoa qu'évoquait Claude Régis. Et vous avez dit qu'il fallait le lier à l'hétéronymie son œuvre, enfin les hétéronymes inventés par Pessoa. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à présent pourquoi ? Oui, simplement, je pense qu'évidemment, on est tout à fait légitime au regard de ce que c'est qu'une vie réussie dans les sociétés modernes, de considérer que Pessoa est allé d'échec en échec. En réalité, ce passage d'échec en échec, il est à relativiser parce que c'est la face visible de ce travail minutieux, acharné qu'il a occupé toute sa vie et qui lui a fait produire ce dispositif hétéronymique qui est proprement génial. Il y a peut-être, donc, disons, un sacrifice voilà, la vie séculière, pourrait-on dire. Un petit peu. Et c'est une autre façon d'accomplir ce que Rimbaud accomplit lorsqu'il s'en va. Voilà, donc lui, il s'en va en permanence des règles et des us et coutumes qui sont en vigueur pour pouvoir se consacrer entièrement à cette mission qu'il appelait créateur de civilisation. Pourquoi créateur de civilisation ? Eh bien parce que, si vous voulez, et c'est en ce sens que je parlais de génialité tout à l'heure, voyant le vide abyssal qui occupe les humains toujours plus, il lui fallait présenter une voie multiple, voie VOIE, mais évidemment... cela passait par l'invention de voies VOIX multiples, une voie multiple pour dépasser cette période historique qu'il voyait d'un très, très mauvais œil. Donc on vient de l'entendre dans la lecture de cette lettre à son ami Sacarneiro. Pessoa a vécu ce qu'il a appelé un jour triomphal, et comme il le raconte, on a l'impression d'une sorte d'intervention divine. C'est le jour où sa vie a changé, mais presque sans qu'il le décide lui-même. Alors, je précise, c'est une lettre qui parle de Sacarneiro, mais qui est adressée à Jean Gaspar Simons, en réalité. C'est la fameuse lettre sur les hétéronymes, et vous avez tout à fait raison de dire que elle met en scène une espèce de surgissement qui s'accomplit en dehors de toute volonté. Alors, l'examen minutieux des manuscrits, notamment des feuillets qui sont conservés du gardeur de troupeau dont il est question dans cette lettre, montre bien que c'est une construction a posteriori. Cela étant, il est certain que il y a un avant et un après mars 14, parce que dès le plus jeune âge, je le disais au début, il y a l'invention de ce personnage qu'il appelle le chevalier de Pas et qui est là pour l'entretenir et pallier l'absence de père. Toute l'adolescence dont nous avons parlé tout à l'heure, il a aussi créé des personnages qui sont des auteurs littéraires et puis on peut dire des proto-hétéronymes. Et puis à un moment donné, il va y avoir le basculement dans un autre régime, dans quelque chose d'autre. Et je crois que symboliquement, l'existence d'un jour triomphal, comme il appelait cette date-là, il faut la défendre, même s'il l'a très certainement recomposé après coup. Et donc à partir de là, il va écrire les œuvres de plusieurs écrivains de génie, cinq au moins. Oui, absolument. Alors il appelle les projets dont je parlais tout à l'heure d'édition générale de son travail. Il a doté à cette édition future, il a doté cette édition future de titres successifs. Mais celui qui va le retenir le plus, c'est Fiction de l'interlude. Mmh. Et Fiction de l'interlude, ça dit bien ce que c'est, parce que interlude, c'est à comprendre à la fois dans la lignée de ce que je disais tout à l'heure sur une crise de civilisation qui fait que nous sommes vides et qu'il faut donc entre deux moments civilisationnels forts développer des fictions. Mais il faut aussi le comprendre au sens musical. Et là, on revient à ce que disait Claude Régis tout à l'heure, à savoir cette question du rythme, du travail de la langue. Et dans le rythme et le travail de la langue, la fabrication, si j'ose dire, de voix, VOX, au timbre particulier, au rythme particulier, qui vont résonner dans ce vide intérieur. Je crois qu'il faut saisir l'hétéronymie comme un travail sur l'espace intérieur et l'espace linguistique intérieur, c'est-à-dire nous entendons se former les phrases en nous, et donc il s'agit d'entendre en soi et de favoriser l'émergence en soi de voix, VOX, qui vont se différencier les unes des autres, pas seulement sur le plan thématique, mais aussi sur le plan rythmique. Et c'est là où ça n'est pas réellement un architecte d'une œuvre comme pourrait l'être Balzac, par exemple, avec ses personnages récurrents. Vous expliquez que c'est plutôt un metteur en scène qui fait jouer ces personnages qu'il a inventés, donc Maître Caherou, Ricardo Reich, Alvaro do Campos, Bernardo Soares. Ces personnages, il les joue à l'intérieur de lui. C'est ça. Il recourt souvent à la comparaison avec Shakespeare. Il dit voilà, Shakespeare doit se dépersonnaliser pour pouvoir fabriquer des personnages aussi divers que Hamlet, Macbeth et autres. Eh bien, moi, je fais ce même travail sur moi-même, sauf que au lieu de le faire sur du théâtre proprement dit, je le fais en poésie lyrique. Voilà, donc c'est ce qu'il appelle le drama ingent, le drame à l'intérieur d'une personne. Et il disait « je ne change pas, je voyage », lui qui Absolument. Précisément ne voyageait jamais. Oui, parce que c'est un voyage intérieur, encore une fois. Et ce voyage, il suppose effectivement le passage de voix en voix, enfin avec le même jeu de mots éculé que je rappelais tout à l'heure, V-O-I-E-S et V-O-I-X. Mmh. Alors, qui est Pessoa? Parce qu'au final, comme le dit Robert Bresson, il est beaucoup de choses à la fois. Et j'aimerais bien vous faire commenter des possibilités multiples de Pessoa. Et vous allez me dire à chaque fois si pour vous, Pessoa est bien cela. D'abord, pensez-vous qu'il soit un poète de la terre? Alors, si je me réfère à Alberto Caherou, et au jugement qu'Alvaro de Campos portait sur Caherou, le maître, il disait la voix, et vous voyez, c'est encore une question de voix, la voix de mon maître Caïro, c'était la voix de la terre, autrement dit, la voix de personne. Alors, Pessoa, si ça veut dire personne, enfin, pas forcément dans ce sens-là, mais il y a aussi quelque chose de psychanalytique. Le masque de théâtre, hein, d'une certaine manière. Hein, la personne, et encore une fois, on pourrait recourir à l'étymologie, puisque persona, c'est le masque à travers lequel sonnait la voix de l'acteur. Hein, ça fonctionnait un peu comme porte-voix hein, dans le théâtre antique. Ça a donné notre terme de personne, ça a donné le mot portugais Pessoa, et vous voyez comme c'est remotivé par l'existence et le travail de Pessoa lui-même. Mmh. Alors c'était aussi possibilité de Pessoa, enfin, qui a été plus qu'une possibilité, un obscur employé de bureau, parce que ça on l'a pas dit, mais Pessoa travaillait et il faisait un travail qui était purement alimentaire. C'est ça, c'est-à-dire qu'il avait chaque mois, il calculait son budget. Qu'est-ce qu'il devait dépenser pendant ce mois-là? Et donc, ça impliquait un certain nombre d'heures pour traduire du courrier commercial, etc. Donc, il travaillait à temps partiel, dirait-on, pour pouvoir dégager le plus possible de temps pour se consacrer à son œuvre. Alors, oui, on peut dire que cette partie dans laquelle il travaille à des fins alimentaires, il est cette obscur employé de bureau dont il va faire un mythe à travers le demi-hétéronyme qui signe le livre L'Intranquillité, qui s'appelle Bernardo Soares. Enfin, vous savez, Teresa Rita Lopes vous donnera des précisions sans doute là-dessus. Mmh. Diriez-vous qu'il était un humoriste, Patrick Killy? Ah mais totalement. Alors là, tout à fait. Et en général, les commentateurs oublie cette dimension d'humour très subtil, parfois d'humour noir. On a tendance à le prendre au pied de la lettre, en général. Or, réfléchissons deux secondes. Un système hétéronymique, même s'il y a un maître proclamé, quel est le socle? Quelle est la vérité délivrée par tout ça? Ou bien est-ce qu'il n'y a pas, justement, un passage incessant d'une voix à l'autre? Et dans un tel dispositif, évidemment, l'ironie, la mise à distance, le commentaire de l'un sur l'autre est une perpétuelle source d'humour, c'est certain. C'est en effet un dispositif, comme vous le dites, et il y a là quelque chose de très contemporain et même d'ultra contemporain en littérature, d'inventer un dispositif autant qu'un texte, autant qu'une œuvre. Oui, je pense. Il y a tout un courant d'analyse de Pessoa, notamment au Portugal, à partir de certaines considérations deleuziennes, comme si l'hétéronymie était un dispositif rhizomatique, si vous voulez, hein, qui permettrait de tracer des lignes de fuite. Je crois que c'est assez pertinent d'aborder Pessoa de cette façon. Était-il, ou pensez-vous qu'il était, Patrick Killier, un croyant ou un religieux? Alors, c'est un vaste sujet. Il y a tout un courant interprétatif qui considère que le vrai Pessoa, entre guillemets, c'est le Pessoa des poèmes métaphysiques, des poèmes ésotériques, des croyances alchimiques ou rosicruciennes. Alors, j'ai de la peine à penser qu'il y a un socle, encore une fois. Et donc, oui, il traverse... c'est ça aussi le génie de Pessoa, c'est à travers ce dispositif des voix multiples, il traverse des savoirs, il traverse des croyances, il traverse des traditions, et à chaque fois, il les met en porte-à-faux, il les déconstruit, il les confronte à leurs contradictions ou à leurs concurrents, et du coup, on est dans une espèce de vertige à l'infini qui fait que, oui, je réponds oui à toutes vos questions. Et en même temps, lui-même le disait, je suis un sébastianiste rationnel, mais je suis encore beaucoup plus d'autre chose que ça. Je rappelle que sébastianiste, c'est une croyance au retour du roi Sébastien. On en parlera demain dans l'émission, après-demain dans l'émission consacrée au Portugal. Je m'en doute, voilà. Donc lui-même le disait comme Protée, en quelque sorte, hein, passant à travers des personnalités, des savoirs. Alors vous répondez traditions. Oui à tout, à quoi répondriez-vous non? Que n'était pas Fernando Pessoa? Ah, ça c'est difficile, Ça, c'est très difficile parce que on s'aperçoit, quand je travaillais pour l'édition Pléiade, j'ai donc passé en revue l'ensemble des documents archivés à la Bibliothèque nationale, ainsi que les notes marginales qu'il avait inscrites dans les livres de sa bibliothèque. Et j'ai été absolument époustouflé de voir ce que je découvrais là, c'est-à-dire des faces de Pessoa qui avaient échappé à l'attention des premiers éditeurs et qui, à chaque fois, me donnaient des facettes très curieuses. Par exemple, on parlait de la sexualité tout à l'heure. Il y a plusieurs poèmes où il évoque l'homosexualité en se référant à des endroits très précis de Lisbonne où des jeunes garçons allaient se prostituer sur le trottoir, etc. Enfin, bon, voilà, il y a... des découvertes qui continuent d'être faites d'ailleurs par les jeunes pessoins dont je salue le travail. Et il y en a beaucoup, hein. Il paraît qu'il y a énormément de pessoins au mètre carré, au kilomètre carré. Alors, au Portugal. Oui. Peut-être trop dans l'université. Et dans le monde, parce que actuellement, les plus pointus sont colombiens, argentins, allemands, italiens. Alors, vous nous avez dit tout de même tout à l'heure que finalement, le Pessoa qui serait mort seul et inconnu, c'était en partie faux. Tout de même, il a été redécouvert parce qu'il n'y a pas eu toujours autant de Pessoins au kilomètre carré qu'il y en a aujourd'hui. Quel est ce chemin qui a été emprunté depuis sa mort le 30 novembre 1935, donc jusqu'à la célébrité qu'il a retrouvée ces dernières années, au fond? Alors, à sa mort, comme je vous l'ai dit, les journaux en rendent compte et en une. Il y a seulement 50 personnes, hein, je crois, quand même, au cimetière de Prazeres. Bien sûr, tout à fait. Ensuite, un certain nombre de compagnons de route ont publié des textes dans les années qui ont suivi sur lui, un hommage à lui, des gens comme Antonio Botto, qu'il avait défendu, et qui était un poète homosexuel. Il a ensuite des compagnons d'aventure se sont lancés dans des éditions des années 40, fin des années 40, 50, des éditions portugaises, relayées très vite par des éditions brésiliennes, avec un certain nombre de gens qui se sont employés à déchiffrer des manuscrits, des dactylogrammes, etc. Il y a eu quelques dates importantes, comme le début des années 80 avec la publication du livre de la tranquillité qui a fait l'effet d'une bombe au Portugal. Puis est arrivé le grand projet chapeauté conjointement par Robert Brechon et Eduardo Prado Coelho, le portugais, de publication conséquente d'œuvres de Pessoa aux éditions Bourgois. Et cela a été une sorte de révélateur, non seulement en France, mais à travers la publication française, un peu partout dans le monde. Alors évidemment, je simplifie, parce qu'il faudrait parler de tel Autrichien, Rudolf Lindt, qui a travaillé aussi de son côté dans les années 50. Hein, oui, mais voilà, si on le fait, on n'aura pas le temps de dire, puisqu'on arrive à la fin de cette émission. Non, mais bien évidemment. De quoi est-il mort? Alors, parce qu'il est mort très jeune, tout de même, Fernando Pessoa. Est-ce qu'on sait de quoi il est mort? Oui, je pense qu'on le sait. On ne l'a jamais vu ivre, hein, mais il buvait toujours un peu tous les jours. Et en principe, il est mort d'insuffisance hépatique. Mmh. Voilà. Alors, qu'il aurait contracté dans son enfance en Afrique du Sud? Non, la famille prétend cela, mais c'est une hypothèse parce que évidemment, il est honteux de mourir d'alcoolisme. Chronique, si j'ose dire. Hein, voilà. Donc, on ne sait pas très bien, mais il est fort probable que la consommation quotidienne d'alcool... Hein, il y a une photo très célèbre qu'il adresse à Ophélia, où on le voit en train de boire cul sec, une eau de vie, dans un établissement où on peut boire de l'eau de vie. Et il met derrière le Pessoa pris en flagrant délitre. Voilà. Donc c'est certainement cela qui a affaibli son foie et qui a fait que... Il s'est éteint si jeune, mais avec une œuvre énorme. Merci beaucoup Patrick Quillet pour ce retour sur la vie de Fernando Pessoa. Vous étiez en duplex de Nice où vous êtes professeur de littérature comparée mais également traducteur du portugais. Vous avez compilé les œuvres poétiques complètes de Fernando Pessoa pour la bibliothèque de la Pléiade, ça date de 2001. Vous avez également effectué des traductions de Pessoa pour un ouvrage à paraître aux éditions Chandaigne, c'est justement la semaine prochaine. Je remercie au passage Jason Thouars de France Bleu Côte d'Azur qui a permis à ce duplex d'être possible. Tout le monde se moque de moi ici sur la prononciation de ce nom. En tout cas, merci beaucoup, Jason. Demain, nous plongeons davantage dans l'œuvre de Pessoa. Ce sera avec Pascal de Thurins. Mais tout de suite, c'est le moment que tout le monde attend. C'est les lectures poétiques de Jacques Bonafé. Bonjour, la compagnie. Ce jour, je tournais les pages en ne me décidant pas. La poésie peut attendre. Et je m'accrochais à quelques lignes incompréhensibles, mais bien disposées sur la page. Comment faire ? Un jeune poète dessinateur, un graphiste. Ce jour, je me rappelais que les arguments de bon sens n'ayant pas ébranlé la certitude de ces braves gens, croquants ou blaireaux, qui avaient refusé le nouveau boulanger, par exemple, préférant l'infâme pain blanc d'avant servi par le précédent, la poésie, elle, aurait-elle pu ? Non, elle ne peut rien changer. Ni Trump ou Netanyahou, ni les électeurs en pur pain blanc, elle change nos découragements, je crois. Ce jour, j'ai eu envie de vous lire ces mots de Salas Tétier qui m'étaient joints par un ami dans la lettre qu'il m'envoyait. Nous savions qu'ils ne peuvent pas faire bouger le monde, mais ne pas les dire aurait des conséquences très graves. C'est tiré de l'odeur de l'eau. La paix, je la demande à ceux qui peuvent la donner, comme si elle était leur propriété, leur chose. Elle qui n'est pas colombe, qui n'est pas tourterelle à nous ravir, mais simple objet du cœur régulier, mot partagé et partageable entre les hommes pour dire la faim, la soif, le pain, la poésie, la pluie dans le regard de ceux qui s'aiment. La haine, ceux qui sont les maîtres de la paix sont aussi les maîtres de la haine. Petit seigneur, grande haine, toujours. L'acier est là qui est le métal gris-bleu, l'atome est là dont on fait mieux que ces compotes qu'on mange au petit déjeuner avec du beurre et des croissants. Les maîtres de la guerre et de la paix habitent au-dessus des nuages, dans des Himalayas de tours bancaires. Quelquefois, ils nous voient, mais le plus souvent, c'est leur haine qui regarde. Elle a les lunettes noires que l'on sait. Salas Tétier se veut avant tout béroutin, c'est-à-dire malheureux, ajoute-t-il avec un humour frotté de mélancolie. Salas Tétier est né à Beyrouth en 1929 dans une vieille famille libanaise musulmane sunnite. Henri Michaud, lui, ma chambre donne sur un volcan. La fenêtre de ma chambre donne sur un volcan. Enfin un volcan. Je suis à deux pas d'un volcan. Il y avait dans notre propriété un volcan, volcan, volcan, volcan. C'est ma musique pour ce soir. Et cet après-midi, ma musique était « Tu iras dans l'Orient, l'Orient ». Et hier, ma musique était « À cheval, à cheval ». J'allais à cheval, je vais à cheval dans les Andes, je passe mon temps à cheval. Peu de phrases. Le gong fidèle du mot. Cette semaine qui sent le départ quand même. On commence à ranger ses affaires, on vide les pupitres, on garde une feuille à portée de main, un cahier pour faire le point, rapide. Et redire tous les auteurs, non, ce serait long, ça fait 3 ans qu'on est là, mais on a 3 minutes 30. Manouchak me corrige, Manouchak Fachaï, fidèle réalisatrice. Et c'est parfait, cette semaine, irrésistiblement, nous attire vers l'Orient. Mystérieusement, toujours l'Orient, tu iras dans l'Orient, comme la poésie semble toujours y rêver, même pour un gars natif doué dans Schnorr, l'Orient, même si ça n'est pas simple. Merci beaucoup Jacques Bonafé pour ses lectures de Salas Tétier et Henri Michaud.